serais fière si tu me voyais. Je ris, je pleure, je suis apaisée. La vie et moi, tu sais, ce n'est plus vraiment si compliqué. Mais je suis si seule, j'ai besoin de toi pour avancer. Je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, pas sans toi. Je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, vivre sans toi. Vivre sans toi, pas sans toi, pas sans toi, vivre.